Massive. Je n'avais que 3 ans, j'ai commencé les rêves et les clopes au chocolat blanc. Pour de quelques décimètres, j'ai observé ce monde grand. Fait de bons, fait de méchants et de tanks qui font les cons. Et la vie et mes 20 ans n'ont pas changé ma vision. Je me sens toujours tout petit, complètement impuissant. M'empêcher que tout s'abîme et que tout foute le camp. Je me sens toujours tout petit, complètement impuissant. Et de temps en temps, que tout fout le camp. Je me dis qu'il faut savoir vivre, jamais ou maintenant. Oh oh oh oh, mais je le sens bien. En tant que sénateur, il swing avec un beat fait de mes propres mains. Mais là je tiens